On ne change pas les bonnes habitudes, le mardi c'est planète et espace. Il semble que, comme les yeux ont été formés pour l'astronomie, les oreilles l'ont été de même pour le mouvement harmonique et que ces sciences sont sœurs, estimait Platon dans La République. Le sentier qui rapproche le cosmos de la musique en passant par les mathématiques est à la fois une balade interdisciplinaire et une balade indisciplinée. C'est à ces deux balades avec un et deux L que nous convie Jean-Philippe Uzan dans le sillage de Pythagore, de Kepler et de Stockhausen. Symphonie en cosmos majeur, c'est l'air intersidéral que nous allons tâcher de vous jouer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Jean-Philippe Uzan. Bonjour. Vous savez que votre présence à ce micro fait de vous officiellement notre deuxième parrain pour la deuxième saison de l'émission. Eh bien, j'en suis fort heureux. Je ne sais pas si je vais devoir vous amener des cadeaux tous les mois. On va vous exiger des dragées à chaque saison suivante. Jean-Philippe Uzan, vous êtes physicien, théoricien, cosmologiste, musicien dans l'âme, comme nous allons l'entendre, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, et donc auteur de cette harmonie secrète de l'univers. Univers aux éditions La Ville Brûle. Je rappelle à nos chers auditeurs qu'on ne change toujours pas les bonnes habitudes. Vous pouvez suivre l'émission évidemment sur les ondes, et nous allons parler d'ondes tout au long de cette heure, mais également sur les réseaux dits sociaux et notamment sur Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors Jean-Philippe Uzan, ce n'est pas un extrait de vos folles nuits blanches de l'été dans la scène techno underground de Berlin, mais... Qui sait? Qu'est-ce que c'est que ce son que nous écoutons là? Eh bien, ça doit être un pulsar. Absolument. Voilà, qui est observé par le pulsar de Vela et qui a été lui-même utilisé dans une composition musicale par Gérard Griset il y a peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et donc où il a mêlé en fait un son enregistré depuis le cosmos par un radiotélescope avec les percussionnistes de Strasbourg. C'est ça, j'ai juste... Je suis pas complètement rouillé. Hein. C'est exactement ça. D'où vient cette envie de tirer des passerelles entre vos trois passions, les mathématiques, la cosmologie et la musique? Alors vous racontez l'histoire au début, vous allez nous raconter hein, si l'humanité était aveugle, comment percevrait-on l'univers? Mais plus profondément, comment est née avant cette anecdote, là, cette envie de joindre la cosmologie et la musique? Je crois que c'est une attitude générale dans laquelle j'aime me perdre, me perdre pour explorer. C'est-à-dire que il est clair que quand on fait de la recherche scientifique, c'est quand même quelque chose d'assez exigeant, parfois un petit peu aride. On est dans des calculs, on est dans des observations, des expériences. Il y a une certaine rigueur. Il y a la science est une méthode avant tout, donc c'est bien que votre émission s'appelle la méthode scientifique, parce que c'est peut-être la chose la plus importante de la science. Mais parfois, en fait, ce que la science nous fait apprendre sur l'univers nous fait rêver, et puis on n'en est pas moins des êtres humains. Donc on n'a pas une seule dimension, on a plusieurs dimensions. On a tous des passions, on a tous des lectures, on écoute, on sort, on a des amis. Et tout ça, ça crée des rencontres. Et il y a un moment, on tisse des fils entre différentes choses qui nous intéressent dans la vie. Et il y a un moment, je crois que j'ai accepté ces différentes facettes et me dire qu'elles ont le droit de communiquer puisque je suis constitutif de toutes ces facettes. Et donc, c'était d'accepter celles-ci. Et en particulier, le fait que j'aimais la musique, que je faisais de la musique. Vous dites clarinettiste? J'étais clarinettiste, très mauvais, mais quand même. Miles Davis disait, il n'y a pas de fausses notes. Les fausses notes n'existent pas. C'est l'un des épigraphes. C'est ça. J'ai joué la mauvaise fausse note. Parce que il faut savoir mettre la bonne fausse note au bon endroit. Et donc, se dire, finalement, on est libre de penser. Et puis, avec le temps, surtout quand on fait de la cosmologie, on est souvent interpellé sur des questions d'origine. Et puis, on est obligé de retourner à des livres de philosophie, à des livres qui questionnent l'univers de façon différente. On est interpellé par des artistes qui ont aussi leur vision sur l'univers. Et ça nous pousse à réfléchir finalement sur la nature du savoir qu'on présente aux gens, qui nous vient de la science, et puis les autres visions, et en particulier celle des artistes. Et on se rend compte que quand on est capable de dialoguer, de travailler avec eux, il peut naître des choses intéressantes et puis des belles aventures. Et donc, en fait, c'est vrai qu'à l'origine de ce livre, c'est surtout un ensemble de rencontres avec des musiciens, des artistes, et puis un peu comme dans l'accélérateur du CERN, vous prenez des particules, vous les faites collisionner, il sort des choses. Moi, inattendu parfois. Et je pense que quand on prend des personnes qui ont des univers différents et qu'on les fait rentrer en collision, qu'il peut y avoir une histoire d'amitié qui se crée, il peut sortir des choses aussi inattendues. Parfois c'est bien, parfois c'est nul, mais c'est pas grave. Le principal, c'est finalement de jouer et de retrouver une certaine liberté, parce que je pense que finalement, dans un certain cadre professionnel de recherche, où on a des contrats, où on a une évaluation, peut-être qu'on n'arrive plus à jouer autant qu'on devrait le faire. Alors, on va voir finalement que ce lien entre les mathématiques, la cosmologie et la musique, c'est finalement aussi un retour aux sources, puisqu'on va en parler au long de cette heure, mais la musique a avant été comprise comme quelque chose d'ordre arithmétique, en tout cas un parallèle, une forme de structure universelle d'ordre mathématique. Mais avant cela, vous diriez que ce projet-là, il est en gestation depuis longtemps. Ça fait longtemps que ça vous trotte dans la tête, cette idée de passerelle, de revenir justement aux origines mathématiques et cosmologiques de la musique. En fait, je crois que je me suis surpris moi-même. C'est-à-dire que j'ai tout le temps fait de la musique et j'avais jamais fait le lien entre mon activité professionnelle et cette passion. Et je crois que c'était en 1999 où j'ai fait un projet dans une classe de CM2 à Bobigny. C'est la Fondation 93 qui m'avait demandé de faire ça. Et c'était un binôme avec un artiste dans une classe sur l'année pour développer un projet entre art et sciences. Et je m'étais dit, finalement, ça serait pas mal de travailler avec un compositeur parce que j'aimerais bien comprendre la façon dont les compositeurs écrivent aujourd'hui, parce qu'on voit des partitions, on les comprend pas, c'est pas la façon traditionnelle avec les lignes et les notes et tout ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien comprendre ça. Et j'ai rencontré Eddy Ladoire, on a fait ce projet, et de façon surprenante, il y a eu un moment où dans nos discussions est sortie une idée de ce qui est finalement l'idée qui finalement va être le fil conducteur de ce livre, qui est l'astronome aveugle, de se dire, finalement, si on était tous aveugles, toute l'humanité était aveugle, quelle image nous ferions-nous de l'univers? Et en fait, cette réflexion, elle a permis de questionner quelque chose d'essentiel de la science, qui est le fait que la science nous fournit des outils pour aller au-delà de nos sens. Elle nous révèle un monde qui n'est pas le monde manifeste de nos sens. C'est-à-dire que, si je vois un objet macroscopique, une table lisse, pleine, que je la regarde au microscope électronique, elle va pas avoir la même apparence. Et que ça, finalement, c'est une dimension de la science. Créer des outils pour aller sonder le monde à des échelles microscopiques, à des échelles cosmologiques, et révéler une réalité qui n'est pas celle qui est la réalité intuitive. Et que, ça veut dire qu'il va falloir apprivoiser cette réalité, il va falloir en parler. Souvent, on en parle d'abord en termes mathématiques, mais après, il va falloir en parler au grand public, parce que ces choses-là existent, il faut que les gens s'approprient ces idées. Et vient la difficulté du langage, la difficulté de la vulgarisation. Comment est-ce que je vous parle de mécanique quantique avec les mots de tous les jours? Parce que les physiciens vont utiliser des mots qui existent déjà dans le dictionnaire, ils vont en changer le sens, et parfois, ça crée des confusions. Et donc ça, c'est un petit peu la difficulté. On a joué avec ça, avec les enfants, on les a fait composer quelque chose à partir de leur univers, en enregistrant des sons. Donc leur univers local, qui était la salle de classe, l'école, parce que c'est aussi quelque chose d'important pour moi, c'est que la cosmologie, ça commence ici et maintenant. C'est-à-dire on part d'une autre position dans l'univers pour essayer de reconstruire une histoire. On n'essaie pas d'avoir une vision Fiat Lux de, au début était le Big Bang, parce que je pense que ça mène pas à grand chose en termes scientifiques. Et on les a fait travailler. Le même voyage que la lumière. Vous remontez. Exactement, on remonte, on suit la lumière, on fait un travail d'archéologue, on essaie de remonter le plus possible dans le temps et avec des outils mathématiques, des observations, de reconstruire l'histoire et la géographie de notre univers. Mais alors c'est intéressant parce que du coup quelle est la finalité, diriez-vous, Jean-Philippe Uzan, de cet ouvrage? Est-ce que vous diriez que c'est un ouvrage de vulgarisation qui utilise la musique et l'analogie musicale et cosmologique pour permettre de délivrer du savoir? Est-ce que c'est une ambition esthétique? Est-ce que c'est une ambition scientifique? C'est une question très difficile parce que j'ai jamais pensé en termes de finalité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des rencontres, du travail avec des compositeurs. Et il y a un jour, j'ai ressenti la nécessité d'écrire un certain nombre de ces choses-là parce que j'en avais beaucoup parlé dans des conférences à des amis et des gens m'ont dit « mais c'est super ce que tu racontes ». Et en fait, si on regarde à l'ouvrage une fois réalisé, je pense qu'il y a différentes dimensions. Il y a une dimension qui est le questionnement des découpages disciplinaires tels qu'on les voit aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de finalement une réflexion très contemporaine, parce que on n'arrête pas de nous parler d'interdisciplinarité, mm-hmm. de transdisciplinarité. Dans le livre, je dis que je préfère l'indisciplinarité. Mm-hmm. C'est le terme que vous avez repris dans l'introduction. Mm-hmm. Je trouve que c'est très bon. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à mon passé un peu anarchiste, mm-hmm. mais je trouve que l'indiscipline, comme dans cette attitude finalement de dire que l'on va penser, que l'on essaie de ne pas avoir de cadre. Et que les cadres changent avec le temps, donc que finalement la façon dont la connaissance s'intéresse au monde est quelque chose de dynamique qui évolue avec le temps, donc il y a une petite dimension histoire des sciences, histoire de la culture, et puis peut-être de dire aux gens qui aiment la musique et qui ne sont pas attirés par la science, de dire mais regardez, des compositeurs se sont intéressés à la science, des grands scientifiques se sont intéressés à la musique, aux arts, et que finalement, peut-être qu'on est un peu sectaire et qu'il faudrait avoir une ouverture. Et je pense que c'est un petit peu ça aussi l'objet de ce livre-là, c'est de se dire, ayons une ouverture. La culture scientifique fait partie de la culture, et en fait, quand on met tous ces ensembles-là, on n'en est que plus riche. Pardon, c'est à la fois un retour à la source, hein, donc réinclure la musique dans un ordre mathématique du monde et de l'univers, comme on va en parler dans quelques instants, et en même temps finalement une sorte d'acte transgressif, hein, puisque vous vantez l'indiscipline au lieu de l'interdisciplinarité. C'est un livre un peu anarchiste, non ? Oh, il n'est pas anarchiste non plus. Hein. Faut pas. Ça aurait été bien qu'il le soit, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est juste, ça fait réfléchir finalement sur les découpages, les limites que l'on s'impose quand on travaille dans une discipline scientifique. On a des catégories, on a des mots, et c'est nécessaire parce qu'il faut définir les choses, il faut définir les règles, les outils. Mais en fait, on se remarque que ça a une grande efficacité, mais c'est aussi la limite de notre façon de penser. C'est vrai pour la science et c'est vrai pour beaucoup de choses dans la société actuellement. Et donc d'avoir cette réflexion sur la définition et comment la définition d'un objet, d'une discipline, vous limite votre liberté de penser, c'est quelque chose, à mon avis, de salutaire aussi, de façon citoyenne. Donc ça, c'est un des messages. Il ne faut pas faire peur non plus aux musiciens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté réducteur. Il n'y a pas dans ma vision le fait de réduire de la musique à des mathématiques, parce que ça, je pense que ça serait complètement absurde. Je le précise bien, parce que souvent, c'est ce qu'on dit. Livre, les gens projettent en fait un côté un petit peu réducteur, comme quoi on voudrait tout ramener à des mathématiques, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a eu des connexions. Ce que les gens appelaient musique, c'est un certain type de musique. C'était une discipline mathématique sur les rapports numériques. Mais beaucoup des gens qui se disaient musiciens n'avaient jamais composé et jamais joué de musique de leur vie. Donc, quelque part, il y a ça aussi. La musique, c'est aussi une pratique. On parle des instruments de musique, on parle de la facture des instruments de musique, qui est un acte concret dans lequel il y a beaucoup de science. Mais à la fin, quelque part, on se retrouve tous autour d'une certaine passion et d'un échange. Et je crois que c'est ça que je voulais faire passer avant tout. Alors, il y a plusieurs choses effectivement assez passionnantes dans cette histoire qui est une histoire à la fois universelle et individuelle, comme souvent ces narrations peuvent être importantes et intéressantes. Elles recoupent votre histoire à vous, votre passion, vos passions et la grande histoire de la musique, de l'arithmétisation et de la mathématisation de la musique et de la cosmologie. On va voir que tout ça n'a fait pendant très longtemps dans l'histoire des sciences et dans l'histoire des arts qu'un. Et j'aime bien m'intéresser aux différents épigraphes, parce que vous donnez plusieurs épigraphes. Je citais celui de Miles Davis tout à l'heure à chaque chapitre, et vous les avez évidemment choisis avec soin. Le premier, c'est Baudelaire, mais c'est le deuxième qui a retenu mon attention, c'est celui de Tycho Brahe. Mm-hmm. C'est un personnage intéressant à mettre comme épigraphe Tycho Brahe quand on fait de la cosmologie. C'était un personnage un peu sulfureux. C'est vrai, il était brûlé en place publique pour hérésie. Mais c'est vrai que là, il dit « Ô esprit vulgaire, ô spectateur aveugle des cieux ». Donc ça, c'est aussi pour avancer cette idée de l'astronome aveugle. Donc on regarde, est-on sûr de voir ce que l'on regarde et puis qu'est-ce que voir ? Et je pense que c'est une question fondamentale. Je pense que tout étudiant en sciences devrait se poser la question de savoir qu'est-ce que voir. Quand vous êtes cosmologiste, le nombre de fois où vous êtes interpellé par des gens en disant « on ne voit pas la matière noire, donc elle n'existe pas ». Et vous essayez d'expliquer ce que c'est que voir. Que voir, c'est interagir, peut-être pas avec vos yeux, peut-être pas avec vos sens. Que on a différentes façons de voir au-delà des limites de nos yeux. De voir avec, finalement, peut-être des signaux qui ne sont pas reliés à un de nos sens, comme les ondes gravitationnelles, par exemple. Et que tout ça, c'est ça la science. La science, c'est créer ces liens et peut-être développer des nouvelles façons de voir et d'apprivoiser ces nouvelles façons de voir. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi ça que nous disait Tigor Barret, de dire finalement, regardez, c'est peut-être devant vos yeux, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a à voir. Et peut-être que c'est ça une grande partie du travail de recherche. Et on a souvent les éléments sous les yeux et les grands scientifiques, ceux qui sont vraiment géniaux, c'est parfois, c'est trois fois rien, c'est-à-dire une réorganisation de choses connues, changer un petit peu un concept, faire une petite unification, et puis de là, on découle énormément de choses qu'on avait sous les yeux et que l'on ne voyait pas. Et je pense que ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment la base du travail scientifique. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ça. Il y avait cette volonté de dire, regardez ce qu'on a devant les yeux, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en raconter. Et outre regarder, ce à quoi vous appelez principalement, c'est à écouter. Or, vous n'êtes pas la première personne, le premier grand nom de l'astrophysique à postuler que dans une œuvre de fiction, en tout cas, il faille écouter l'espace. Écoutez, justement. Ça va, ça recommence. Attendez, une minute, ce sont des chiffres. Il y a eu un 3, celui juste avant était un 2. Basé sur 10 chiffres, commençons à compter. Ça fait 5. 1. 7. 7. Ce sont des premiers. 2, 3, 5, 7, ce sont tous des nombres premiers. Ça ne peut pas être un phénomène naturel. Bon, restons calmes surtout. Trouve-moi vite le dossier sur Vega. Ça n'a vraiment aucun sens. Ce système est trop jeune. Quelques balles signal, il faut faire vite quelque chose. Vega va se coucher. Et la position est confirmée. On a 4.4623 GHz. Confirmé, on a exactement 112 Jankees. Et est-ce que vous avez une localisation de la source? Eh bien, on l'a mis en plein dans le mille. Vega. D'accord, Yann, merci. Continuez le repérage et nous vous rappellerons. Absolument. Extrait du film Contact de Robert Zemeckis, qui est une adaptation du roman de Carl Sagan de 1985, Écoutez l'espace. Et oui, c'est Ellie Haraway, Judy Foster, qui est finalement une astronome qui travaille au radiotélescope, je crois que c'est Arecibo dans le film. Arecibo, tout à fait. Et alors, quand un radiotélescope va mesurer des ondes radio, donc ce sont des ondes électromagnétiques, hein, c'est pas des sons, c'est vraiment l'équivalent de la lumière, mais avec des longueurs d'onde beaucoup plus grandes. Et quoi que vous enregistriez, à un moment, il faut faire du traitement de données pour savoir ce qu'il y a dans ces observations. Et normalement, ça passe par des algorithmes mathématiques, des recherches qui sont faites avec des ordinateurs. Et ce qu'on essaie de rechercher, c'est des patterns, des choses qui vont vous dire... Les schémas. Oui, ça, c'est l'anglicisme des scientifiques. Vous allez voir, d'ailleurs aussi, ils en font un petit peu des anglicismes dans la traduction. Et donc, le but, c'est d'avoir des logiciels qui vont rechercher ces schémas indiquant quelque chose. Mais donc, vous devez avoir une idée prédéfinie de ce que vous recherchez, parce qu'on ne cherche pas complètement à l'inconnu dans ces signaux-là, ce n'est pas possible. Et elle, ce qu'elle décide de faire, c'est d'écouter. Donc, elle passe ses nuits avec un casque, comme votre casque de radio, comme ça, alors au pied des télescopes, je trouve ça c'est beaucoup plus romantique, à écouter, et à un moment, elle est interpellée par voilà, ces successions de bips, là, comme ça, et elle reconnaît une série de nombres premiers, elle se dit, c'est pas possible que ce soit des nombres premiers, parce qu'on ne s'attend pas à ce qui est un phénomène naturel qui donne des nombres premiers dans la nature. Donc ça, c'est intéressant à plein de points de vue. Déjà, c'est exactement cet astronome qui essaye de faire de l'astronomie par ses oreilles et pas avec ses yeux, donc qui est un petit peu selon l'axe de ce que j'essaie de développer. Et après, il y a une question par rapport à qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui n'est pas naturel. Vous savez peut-être que quand Jocelyn Bell a découvert les premiers pulsars à Cambridge avec son radiotélescope, elle a découvert en fait des pulses qui étaient très très précis, tellement précis qu'on pensait qu'aucun phénomène naturel ne pourrait produire des signaux aussi réguliers. Et donc elle a mis beaucoup de temps à convaincre son directeur de thèse, puis la communauté de ses observations et du fait qu'elle avait découvert un nouveau type d'objets astrophysiques qui sont les pulsars. Et au début, on les appelait avec le sobriquet de LGM, Little Green Man, c'est-à-dire on pensait que c'était tellement précis que ça ne pouvait être qu'une montre ou un phénomène créé par des extraterrestres. Donc voilà, qu'est-ce qu'un phénomène physique? Comment reconnaît-on un phénomène physique? Et pour les gens qui recherchent la vie extraterrestre, comment peut-on savoir que l'on a affaire à une intelligence extraterrestre? La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h, il est bientôt 16h20 déjà. Il fait une chaleur étouffante dans ce studio. Et vous écoutez la méthode scientifique, je l'espère, au frais chez vous. Jean-Philippe Usan est notre invité pour ce deuxième numéro de la saison de la méthode scientifique, pour ce livre qui sort aux éditions La Ville Brûle, l'harmonie secrète de l'univers. Faire la passerelle entre mathématiques, cosmologie et musique, on le disait tout à l'heure, c'est également remonter l'histoire des sciences et l'histoire de l'art jusqu'à Pythagore qui le premier a fondé une théorie du nombre inclusive de la musique. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Et vous vous êtes rendu au Conservatoire National des Arts et Métiers pour redécouvrir la gamme naturelle de Pythagore et ça marche mieux avec une calculatrice. Ça marche mieux, oui, parce qu'on va faire un peu d'arithmétique. Comme vous le dites, derrière l'harmonie musicale, il y a des nombres particuliers. Et en jouant avec, Pythagore a construit une des premières gammes musicales. Alors pour comprendre comment, je suis allée voir au CNAM, Avner Baren, qui est mathématicien bien sûr, et aussi musicien. Cette gamme a mis longtemps avant d'être créée. À vrai dire, on faut remonter jusqu'à Pythagore. Donc Pythagore, c'est à peu près moins 600 avant Jésus-Christ. Et Pythagore, c'est principalement essayer de retrouver dans les mathématiques les lois de l'univers. On va mettre en musique des nombres mathématiques. Et à partir de là, il va falloir comprendre comment est organisée la perception des sons, pourquoi on trouve des choses plutôt agréables à l'oreille, harmoniques, pourquoi il y a des choses qui sont dissonantes et comment on va retranscrire ce qu'on entend sous une forme écrite. Alors comment, Pythagore, on arrive à déceler les harmoniques derrière les sons qu'il peut écouter ? Alors, on raconte que Pythagore, se promenant un jour dans la rue, passe devant l'échoppe d'un forgeron et entend les marteaux taper. Et différents marteaux de différents poids donnent des sons harmoniques mais différents. Un marteau plus gros génère un son plus grave et à l'inverse, une pierre plus petite génère un son plus aigu. C'est exactement ça, ce qu'on décrirait dans un langage moderne, sorte des fréquences. Donc plus la fréquence sera courte et plus on sera aigu. Alors Pythagore revient chez lui et fait des expériences avec divers instruments comme une corde ou une flûte. Et en pinçant la corde en fonction de sa longueur ou de sa tension, il en déduit, là, encore une fois, différentes fréquences. Alors ce qu'il fait, il fait ce qu'on appelle le monocorde. Donc le monocorde, c'est une sorte de guitare avec une seule corde. Et donc, ce que fait Pythagore, il tend une corde au-dessus d'une planche en bois, il la fait vibrer, et à partir de là, il obtient un son. Et il remarque qu'en pinçant la corde à mi-distance, il va obtenir un son plus aigu. Et donc, il va se poser la question de comment diviser la corde pour pouvoir avoir une harmonique. Et à l'oreille, ça donne quoi ? Alors, si on avait une longueur qui donne ce son-là, la moitié de la corde donnerait ce son-là. Donc un do donne un sol dès qu'on pince la corde en son milieu. Alors, en son milieu. Donc ce qu'on peut soit pincer la corde en son milieu, on pourrait aussi faire l'expérience inverse qui serait de rallonger la corde. On double la fréquence. Dans ces cas-là, on double la fréquence. Donc si on double la fréquence, on va passer d'une fréquence. Donc une fréquence, c'est tout simplement une impulsion, hein, c'est une onde de pression qui va dépendre à la fois de la longueur et de la grosseur. C'est pour ça que sur la guitare, il y a des cordes de grosseur différentes. Donc ça, il faudra attendre Mersenne, le prêtre Marin Mersenne, à qui on doit aussi des nombres premiers, pour mettre ça en équation. Mais globalement, si vous prenez une seule corde, vous n'avez pas les problèmes de taille. Donc soit vous doublez, soit vous grossissez. Et tout le jeu va être de diviser entre une fréquence et le double de sa fréquence pour avoir quelque chose qui va être récurrent, donc revenir régulièrement. Donc vous pouvez couper la corde au milieu. Vous avez entre F et 2F, si F c'est la fréquence ou la longueur. Et dans ces cas-là, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle la quinte, c'est le sol. Mais à ce moment-là, Pythagore n'arrive pas à la gamme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il établit une gamme pythagoricienne qui retranscrit bien le do, ré, mi, fa, sol, la, si. Alors, on peut découper en un certain nombre de valeurs arbitraires. Ce qu'on appelle l'octave, donc ce qu'on va avoir entre F et 2F, hein, donc on va revenir à la même note un octave plus haut, donc on va découper en 7. Donc comment on va découper ? On va prendre la quinte, donc la quinte 3,5 de la fréquence. Donc 3,5 de la fréquence, vous arrivez au sol, et puis on va continuer la division. Donc comment on continue la division ? On va reprendre la quinte de la quinte. Donc en fait on multiplie une quinte par une quinte, ce qui donnera 3,5 fois 3,5, donc... Donc 9,4. Alors 9,4, on note que 9 divisé par 4, c'est plus grand que 2. Donc pour revenir dans l'octave, on va normaliser, on va faire un quotient, hein, et on va revenir en divisant par 2. Donc 9 huitièmes, on aura un ré. D'accord ? Et puis on va reprendre la quinte de la quinte de la quinte, donc 3,5 fois 3,5, divisé par 2, donc 9 huitièmes. Donc le ré et la quinte du ré, ça sera 9 huitièmes fois 3,5, donc 27 seizièmes. Donc là, on continue comme ça, et quand on fait 12 fois cette opération, en renormalisant, on va arriver à un nombre extrêmement proche de 1, 1,03 et des poussières, donc quasiment 1. Ce qui veut dire que quand on fait ces divisions en quinte, on va quasiment revenir sur le do. Et donc, on peut boucler autour de ça. Ce qu'on dirait en mathématiques comme un espace quotient, ou si vous voulez le représenter physiquement, ce qu'on peut faire, c'est un cercle. Et en gros, on va tourner sur 12 divisions du cercle qui nous ramènent quasiment au point. Alors, le but, c'est de revenir. Mais si on pouvait diviser en fractions comme ça, ça veut dire qu'on pourrait faire un polygone exact. Et ça veut dire quasiment qu'on est sur un nombre rationnel. Et on sait très bien que pi n'est pas rationnel, pas à l'époque des Grecs. Hein. Donc, il y aura toujours un petit écart, ce qu'on appelle un comma, hein, donc entre la dernière note et le do d'origine. Donc il peut être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, et puis suivant la manière dont on va diviser, on aura toujours ce petit espace. Ce petit espace, il est connu depuis l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle la quinte du loup, qui est une dissonance entre la dernière note, la douzième note, et celle d'origine. C'est pour ça, par exemple, que sur un piano, entre deux octaves, vous avez 12 notes. Hein, vous avez 7 blanches et puis 5 noires, qui correspondent aux 12 divisions de l'octave. Voilà, on peut également faire de la musique avec une calculatrice ou des mathématiques avec un instrument, Jean-Philippe Usan. Oui, alors... On fait systématiquement des mathématiques avec un instrument. Ouais, je sais pas, non. Oui, ce qu'il faut faire, bon, je sais pas, non. Avec son cerveau, si c'est pas un instrument, j'en sais. Non, juste pour revenir donc sur ce qui nous a été dit, il y a plein de choses techniques, on calcule des choses. Je pense que ce qui est important de garder à l'esprit, c'est la relation entre le fait dans cette légende, parce qu'il faut surtout dire que la cette histoire, du Enclume, c'est... voilà, c'est une légende. Hein. Il y a beaucoup de, même à l'époque antique, beaucoup de théoriciens de la musique qui disent qu'en fait toutes ces relations, la construction de la gamme a été faite avec des instruments ordinaires et que en fait elle a été théorisée ensuite avec ce qu'on appelle ce monocorde, donc c'est une simple corde tendue et ses qu'on séparations dans le reportage voilà, tout à, des fins pédagogiques pour vraiment définir les notes et les théoriser, mais que fort probablement Pythagore n'a jamais fait cette construction, mais comme souvent il faut des légendes et c'est important pour réenchanter l'histoire des sciences, donc on va supposer qu'on est dans la légende. Alors qu'est-ce que nous apprend cette légende? Je pense que si on oublie ces 3,5, ces machins, tout ça, parce que ça a dû perdre un certain nombre de nos auditeurs, c'est te dire que on voit Pythagore qui observe un phénomène physique, des gens qui tapent sur des enclumes avec des marteaux et ça émet des sons différents. Il remarquerait que certains sons finalement vont bien ensemble. Il y a des sortes de consonances. Il se pose la question de savoir pourquoi. Il va faire, donc ça c'est la première chose, c'est l'observation d'un phénomène physique. Il va essayer de faire des expériences à partir de ça, donc à partir de ce monocorde-là. Et il va en déduire des relations numériques entre certaines quantités des cordes qui ont des longueurs, longueur double, longueur moitié et ainsi de suite. Et à partir de ça, il va arriver à une théorie des notes qui vont bien ensemble, donc la notion d'harmonie. Et à partir de cette notion-là, il va être même capable de l'utiliser pour créer une gamme. Et donc ce qui est important finalement dans cette expérience, c'est qu'on a tous les éléments de ce que c'est que de faire de la science. Observer la nature. La démarche expérimentale. Déjà, observer la nature. Se laisser surprendre par une observation. Se dire que cette observation n'est pas quelque chose d'évident et qu'il y a quelque chose à comprendre. Essayer de savoir ce qu'il y a à comprendre et de faire une expérience qui est suffisamment simple pour pouvoir en dire quelque chose. Donc faire ce qu'on appelle en physique un modèle. Une représentation qui est simplifiée, qui n'est pas la réalité elle-même, mais une représentation de la réalité avec ses limites, mais qui n'est pas complètement triviale pour qu'il y ait quand même quelque chose à apprendre. Et une fois que ça marche, elle nous permet de continuer à questionner le monde et peut-être d'agir sur le monde. Donc créer cette gamme, créer un langage. Et ça, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, parce que finalement, dans cette expérience-là, on a tous les éléments de ce qui est la science moderne aujourd'hui. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Après, les technicalités de finalement ce qu'on apprend pour l'arithmétique, c'est très important. Il y a eu beaucoup de mathématiciens et de musiciens qui se sont, je veux dire, disputés au sens noble du terme sur comment définir la gamme la plus juste possible. Donc, on nous explique que la gamme pythagoricienne n'est pas complètement juste. On va se rendre compte qu'avec simplement des nombres entiers, on ne peut pas créer une gamme juste. Il y a donc y avoir un problème, avec, il va falloir introduire les nombres irrationnels. Et donc finalement, la création de cette gamme pour arriver à la gamme tempérée, celle du piano qu'on utilise aujourd'hui, c'est toute une histoire qui fait intervenir des questions de mathématiques et des questions pratiques. Parce qu'on a nommé Marin Mersenne, et Marin Mersenne était un luthier, un facteur d'instruments. Mmh. Il voulait trouver des méthodes pour accorder les luths, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Donc on voit qu'il y a cette, finalement ces gens qui sont à la frontière entre la musique et les mathématiques, parce qu'ils ont une exigence, c'est créer des instruments qui jouent juste et arriver à avoir un langage musical qui vous permet d'avoir des instruments qui vont jouer ensemble et les sons vont, les accords vont bien coller ensemble, donc faire de la polyphonie par exemple, et que si on transpose, que votre gamme qui était juste continue à être juste, ce qui n'était pas le cas avec la gamme de Pythagore, et donc une exigence pour le langage musical. Et moi je pense que c'est cet aller-retour là qui est intéressant. Bien sûr, il y a de la technique derrière et il est important d'avoir à l'esprit qu'il y a cette technique, mais pour beaucoup de gens, on peut oublier, c'est-à-dire qu'on peut ne pas comprendre cette technique-là pour quand même absorber l'importance de ce dialogue entre finalement musique, mathématiques et physique. Et justement, il faut ajouter ensuite une autre dimension qui va arriver d'ailleurs dès Pythagore, c'est se rendre compte que cette formalisation arithmétique de la musique, eh bien, elle vaut pour plus que la simple musique, puisque elle se retrouve dans les hautes sphères, et c'est là où on fait la passerelle vers l'observation des astres et la cosmologie. Voilà. Et alors c'est là où, et ça arrive encore aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez une théorie qui marche tellement bien. Donc cette relation entre des nombres simples, 2, 3, 4, puisque donc l'octave était le rapport 1 sur 2, la quinte était le rapport 2 sur 3, la quarte 3 sur 4, et donc on avait que 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, donc on avait ce nombre magique pour les pythagoriciens qui va être vénéré, et ils arrivent à cette idée que tout est nombre, tout ce qui existe dans la nature doit pouvoir être représenté par des nombres, et si tout est nombre, eh bien les orbites des planètes doivent être aussi réglées par ces mêmes nombres, ces mêmes rapports numériques. Et on va arriver à l'idée que finalement, les planètes émettent des sons dans leur mouvement autour de la Terre, puisqu'on est dans une représentation géocentrique de l'univers à l'époque. Et donc on va associer des notes de musique à chaque planète, et on va arriver à cette idée de l'harmonie du cosmos, finalement, que le cosmos, donc notre univers qui est ordonné, est harmonisé, c'est-à-dire qu'il est accordé, et que c'est ça qui permet à cet ordre de perdurer. Et d'ailleurs, cet ordre-là, et cet ordre en tout cas des sciences, va lui-même perdurer pendant très longtemps. On a jusqu'à la Renaissance, les scientifiques sont très souvent en tout cas eux-mêmes musiciens, et on parle du quadrivium pour inclure les mathématiques, la géométrie, l'astronomie et la musique. La musique est incluse dans ce pool de sciences. Voilà, donc dans cet environnement-là, donc suite à Pythagore, il y a bien sûr tous les grands, il y avait Aristote et Platon, chacun avec des attitudes différentes, puisque Aristote était très critique par rapport aux visions de Pythagore, et Platon, lui, a continué en fait sur cette lancée, et il a défini ce qu'on appelle les mathémata, donc les choses qui sont dignes d'être étudiées. Et dans son éducation, donc alors c'est la rentrée scolaire, donc l'éducation libérale hein, selon Platon, c'est-à-dire l'éducation qui permet à un homme de devenir libre, c'est le but de l'éducation. Eh bien, il y a les branches des sciences mathématiques qui va se diviser en quatre disciplines: géométrie, arithmétique, musique et astronomie. Et donc on a l'arithmétique qui sont les nombres, on a la musique qui sont les rapports de ces nombres premiers, on a la géométrie qui sont finalement les formes et puis qui sont les choses continues alors que l'arithmétique est discrète, et l'astronomie qui est le continu mais en mouvement, non statique, alors que la géométrie était statique. Et donc ces quatre branches des sciences mathématiques vont se parler. On peut faire des raisonnements en termes entre guillemets musicaux ou en termes arithmétiques, mais finalement les musiciens qui font cette théorie de la musique là, comme j'ai dit tout à l'heure, ne jouent probablement jamais de musique, ne composent pas, donc ne seraient pas aujourd'hui considérés comme des musiciens, on va dire, mais comme des mathématiciens. Et cette connaissance là va avoir une tradition, puisque cet ensemble de quatre disciplines qu'on va appeler le quadrivium va être formalisé par Boès, transmis au monde chrétien. Et donc tous les gens jusqu'à la Renaissance, tous les penseurs qui vont connaître un peu de mathématiques vont avoir appris de la musique. Et on peut penser à Kepler, on peut penser à Newton, on peut penser à Galilée, par exemple. On va revenir sur Kepler et Galilée. Ce qui est intéressant, et ce que vous venez de mentionner, Jean-Philippe Usan, c'est à partir du Moyen-Âge, la récupération de cette harmonie comme une harmonie divine, c'est-à-dire qu'elle est de toute façon intrinsèquement liée à une forme de mystique. Tout à fait. Il y a une dimension mystique. Et là, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a une théorie scientifique qui est très puissante à l'époque, très simple. et on lui fait dire plus que ce qu'elle ne dit. Et on a souvent ce penchant. Il y a des fois où on trouve des choses très très belles en science, des coïncidences numériques, et on a envie de leur faire dire plus que ce qu'elles ne disent vraiment. Et c'est un des écueils finalement de la science. On peut se laisser séduire par ce penchant-là. Et c'est vrai que la science met un garde-fou par rapport à ça, dans sa méthode, c'est-à-dire que cet aspect-là n'était pas prouvé. Et c'est bien ce que critique Aristote. Il dit bien... qui lui est beaucoup plus mécaniste dans son approche. Oui, lui, il veut du concret. Il dit, moi, ce sont de... que Pythagore me dit que les planètes émettent... Je ne les entends pas. Pourquoi est-ce que je ne les entends pas? Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas. Alors, est-ce que parce que c'est des sons d'une nature différente? Est-ce que c'est parce que nous sommes baignés dedans et que nous sommes habitués? Est-ce que c'est parce qu'ils sont atténués? Est-ce que... Il y a plein d'hypothèses, il va y avoir beaucoup de débats, mais lui dit que tant qu'il n'est pas capable d'entendre ces sons, il ne peut pas en faire un objet de la réalité, entre guillemets. Et donc, c'est ça et ça, c'est intéressant parce que on est aussi finalement, qu'est-ce que l'on va mettre en avant entre la théorie et l'expérience, et ça, c'est toujours un débat entre les scientifiques, de savoir qu'est-ce qu'on met en avant pour dire qu'est-ce qui existe dans la nature. Cette musicalité des astres, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, elle va durer très longtemps. Vous reproduisez d'ailleurs des partitions dans votre livre L'harmonie secrète de l'univers de Kepler, hein, ou qui donne en fait une sorte de mélodie à chaque planète. Voilà, tout à fait. Donc, il va faire une relation entre la vitesse des planètes sur leur orbite et des notes de musique. Donc, si les planètes étaient en mouvement circulaire autour du Soleil, eh bien, elles se déplaceraient à vitesse constante sur leur orbite, et donc, on pourrait leur assigner une seule fréquence, et donc, une seule note. Comme ce sont des ellipses, donc c'est une sorte de patatoïde, donc c'est ovale, eh bien, la planète va beaucoup plus rapidement quand elle est proche du Soleil, donc quand elle a son périhélie, et est beaucoup plus lente quand elle est loin du Soleil. Et donc, on peut associer différentes fréquences, et donc chaque planète va être associée à des notes, donc une sorte de mélodie qui va d'une note plus grave à une note plus aiguë, et l'amplitude va être d'autant plus grande que la planète est une orbite elliptique. Et donc, il fait ces correspondances-là, mais dans son livre, ce qui l'intéresse, c'est de calculer la vitesse des planètes sur leur orbite. Et ce livre est assez magistral, moi je l'ai redécouvert, que je ne l'avais jamais lu tel quel, pour la rédaction de ce livre, je l'ai relu, c'est un pavé, mais c'est merveilleux parce qu'en fait on a toute l'astronomie qu'on apprend en classe préparatoire sur les lois de Kepler et ainsi de suite, et il dit mais c'est ce qu'on doit connaître, fini les orbites circulaires, c'est elliptique, il donne les fameuses lois de Kepler, et ensuite à la fin il retourne à cette harmonie musicale et il veut avoir associé à chaque planète une mélodie, et après il dit libre au compositeur d'en faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas compositeur, je vous donne ça. Je vois quand même un seul inconvénient, c'est que la notation musicale me donne des notes discrètes alors que la vitesse change continuellement, donc il faudrait être capable de changer la fréquence continuellement. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, avec la musique électronique, c'est quelque chose qui est faisable, et il y a des jazzman et tout ça qui ont repris avec des méthodes électroniques cette harmonie de Kepler pour prendre en compte cette continuité. Et puis après, il y a des choses qui sont très drôles parce que il associe, donc il a des petits traits d'humour très mystiques que je trouve fabuleux. Il associe à la Terre les notes mi fa mi fa et il dit oui, la Terre va, c'est le chant de la Terre mi fa mi fa pour miseria famina miseria famina. Moi, je trouve quand même que c'est fabuleux et moi je connaissais pas, on n'a pas rencontré Kepler, mais je pense qu'on aurait aimé pouvoir avoir un dîner avec Kepler parce que ça devait être quand même quelqu'un qui avait un certain humour. Cette harmonie des sphères ou cette harmonie du cosmos, elle va se prolonger jusqu'à quand? À quel moment quelqu'un va finir par la réfuter en se disant il n'y a pas de son dans l'espace, l'espace est vide, le son ne peut pas s'y propager? Alors on va comprendre, c'est surtout les études sur le son, on va déjà comprendre que le son se propage dans l'air. Donc ça, c'est les expériences de Boyle avec cette fameuse cloche dans laquelle, cette cloche à vide à l'intérieur de laquelle on a une petite clochette. Et on va démontrer que la lumière se propage dans le vide et que le son ne se propage pas dans le vide. Donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de nécessité d'avoir cette harmonie des sphères. C'est-à-dire que le son ne se propage pas dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui est une certitude scientifique aujourd'hui. Mais des gens comme Léonard de Vinci, par exemple, se sont posés la question de savoir est-ce que les astres frottent sur l'espace, parce qu'on associait le son à un frottement, à des chocs, et donc ça va prendre quand même pas mal de temps, mais on peut dire que c'est à partir de Boyle que, de façon irréfutable, on a démontré que la lumière, que le son ne se propage pas dans le vide. Jusqu'à ce que des astrophysiciens se rendent compte que tous les astres vibrent et que chaque vibration. Voilà, alors ça c'est une autre étape. Mais l'étape de la modernité. Ce qui est quand même beau, c'est que cette idée va perdurer jusqu'à très récemment, parce que je montre quand même que quelqu'un comme Frank Zappa va la reprendre et la faire revivre d'une façon complètement magistrale à la fin des années 60. Comme dans ? Dans The Big Note, où il va apprendre, donc on va détecter la fréquence du fond diffus, la température du fond diffus cosmologique, on va pouvoir lui associer une fréquence, et Frank Zappa va réaliser que si on transpose cette fréquence, alors je ne sais plus, c'est 2000 et quelques octaves, j'ai plus le chiffre en tête, on tombe sur un si bémol, et il va donc dire l'univers entier est baigné dans ce si bémol, c'est la big note, l'explication de tout, puisque c'était le rayonnement qui est de l'origine du Big Bang, tel que le maître l'avait prédit, et qui baigne notre univers en entier, et donc il y voit quelque chose de mystique, et il va réinventer à sa façon, et revisiter complètement toute l'harmonie pythagoricienne, et c'est juste fabuleux. Enregistré par l'orchestre de Radio France. Ah, voilà. Jean-Philippe Buzan, qui est notre invité, puisqu'il est 16h42 déjà dans la méthode scientifique sur France Culture. Et donc, Jean-Philippe Buzan, qui est notre invité pour l'harmonie secrète de l'univers. Jean-Philippe Buzan, physicien, théoricien, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Donc, vous nous disiez à l'instant que ça a été enregistré par l'orchestre. Oui, l'orchestre national, de Radio France, oui. Le philharmonique ou le national? Ah, ça, je sais pas. Mais ça a été enregistré ici. Donc ça, c'est Protonic Game, qui est une œuvre pour orchestre, qui a été composée par Fabien Waxman. Et donc Fabien Waxman, qui est un jeune compositeur français et qui est professeur d'écriture au Conservatoire National de Paris et qui est un de mes amis assez proches avec qui j'ai travaillé. Et en particulier, il y a un an et demi, on a développé un projet dans lequel on avait fait se rencontrer sa classe d'écriture avec, donc il avait 8 étudiants. Avec 8 étudiants de l'université Pierre et Marie Curie, en principalement maths, physique et biologie aussi. Et on a fait des binômes et on a essayé de les faire composer ensemble. Et donc il y a eu une création d'un petit spectacle avec 8 compositions, chacune de 5 minutes à peu près, sur des thèmes aussi variés que les aurores boréales, la nature de la lumière, classique quantique, et ainsi de suite. Donc chacun avait pris un thème. Et l'idée, c'était que les étudiants en sciences étaient tous, je veux dire, des musiciens amateurs, mais ils ne savaient pas composer. Et les compositeurs ne connaissaient presque rien à la science, si ce n'est certains qui avaient lu de la vulgarisation. Et l'idée, c'était de faire ce que nous on fait dans notre travail avec Fabien, c'est de se raconter des histoires et dire bah moi il y a ça qui m'intéresse et bah moi je le mets en mots pour Fabien d'une certaine façon. Et donc c'est la façon selon laquelle on a composé Le baiser de la mort, qui est un quintet avec piano qui raconte finalement la coalescence de ces deux trous noirs et qui est une pièce qui dure 15 minutes, qui a été créée il y a juste un an au festival Les Vacances de Monsieur Haydn. Et en fait, même moi, si je connais un peu la musique, je sais pas écrire de la musique. Ça, c'est vraiment quelque chose de technique. Mais on peut parler de couleurs, on peut parler d'histoire, parce que quand vous écrivez un morceau de musique, c'est avant tout une histoire. Et donc, il faut être capable de raconter. Il faut être capable finalement d'aller au-delà de les équations pour les raconter en termes de couleurs, en termes de rythme, en termes d'inspiration. Et en fait, c'est dans cet échange-là. Et après, Fabien se met au piano, il joue des phrases. Je dis ah oui, ça correspond bien à ce que je vois pour telle et telle raison. Et puis parfois, après, lui, il va rajouter des choses. Si on a des symétries, il va rajouter dans son écriture des symétries, des choses que vous n'allez pas voir, mais qui finalement, symboliquement, représentent aussi ce que l'on veut faire. Et on a essayé voilà, que les étudiants échangent comme ça, et on s'est rendu compte que c'était très difficile des deux côtés, parce que ça demande d'être à l'écoute pour pouvoir raconter, pour pouvoir faire passer ses idées au-delà de la technique. Donc c'était un très bel exercice. Fabien Waxman, qui est un peu votre double inverse, hein, puisque c'est un musicien qui a rêvé d'être astrophysicien, et vous êtes un astre. Alors vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes astrophysicien. Oui, vous êtes un physicien théoricien qui a rêvé d'être musicien. Oui. Concrètement, quand vous donnez des couleurs, par exemple, comment est-ce qu'on décrit quand vous travaillez sur ce baiser de la mort, qui est donc un quintet avec piano qui raconte l'histoire de ces deux trous noirs qui sont en coalescence. Quel type d'indications vous pouvez donner qui peuvent être interprétées, comprises, retranscrites ensuite par le compositeur? Il faut c'est un peu difficile de le faire là juste comme ça, parce qu'en fait nous ce qu'on fait c'est que vraiment on s'immerge, donc c'est un petit peu de l'improvisation, c'est-à-dire que il va se mettre au piano et moi je vais commencer à raconter des choses, et au fur et à mesure de ce que je raconte il va changer ce qu'il joue, et puis on va intervenir. Donc c'est vraiment un échange, c'est très difficile de le faire là comme ça, parce que je suis pas du tout dans l'esprit, mais on peut commencer par dire ben voilà, parce qu'il faut raconter une histoire. De toute façon on est loin, on va se rapprocher d'un système, je suis au milieu d'une galaxie, je vois des étoiles scintiller. Donc il va peut-être commencer quelque chose de très calme, j'entends le scintillant, il va me faire la scintillation d'étoiles. Si on se rapproche d'un système et on va voir deux étoiles, il y en a une qui est plutôt une étoile petite et froide, et l'autre qui est plutôt grosse et de couleur rouge, et puis ainsi de suite. Et on va commencer, il va voilà faire rentrer peut-être les deux étoiles, et puis je vais les reconnaître ou pas, et on va avancer comme ça. Et finalement ça serait un peu comme une improvisation, comme si vous mettiez un morceau de musique et que quelqu'un voulait faire un slam par exemple. Et c'est un petit peu dans ce genre d'esprit. Donc on se lâche, il y a un moment, il y a vraiment un côté d'improvisation, et puis après on garde des choses, et puis lui il en magazine tout ce qu'il a joué. Ça c'est fabuleux avec les compositeurs, parce que vous êtes obligé d'écrire, mais tout ce qu'il a joué, il s'en rappelle parfaitement. Et puis on reprend des morceaux, il va les réutiliser, et puis après il va les travailler, puis on itère. Et c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment une rencontre et basée sur une relation d'amitié. Je pense que c'est une des chances que j'ai eues en fait ces dernières années, c'est de rencontrer plusieurs personnes où il y a eu cette connexion très rapide, où on tombe en amitié comme ça autour de choses qui nous passionnent. Et qu'on a abordé de façon différente, et un échange. Et ça, je trouve que c'est aussi ça que je voulais partager dans le livre, parce que ça m'a rendu heureux. Il y a d'autres projets, vous allez nous dire un mot, hein, d'un autre projet, notamment le projet Vostok avec Eddie Ladoire dans un instant. Mais puisque Le baiser de la mort parle de la coalescence de deux trous noirs, j'aimerais vous faire écouter ce que c'est que la coalescence de deux trous noirs. Très bien. Voilà. C'est moins musical que ce qu'on vient d'entendre avec les compositions de Fabien Waxman. Comment est-ce qu'on obtient qu'est-ce que nous raconte ce son? Qu'est-ce qu'on entend là? Alors déjà, ce son-là, c'est le résultat de la transcription en son d'un calcul numérique. D'accord, c'est pas une observation. Peut-être que beaucoup de gens, au mois de février 2016, quand on a eu la détection de la coalescence des deux trous noirs, ont entendu que le signal d'ondes gravitationnelles a aussi été transposé en son. Donc ça, pour bien être précis, ce n'est pas du son, c'est des ondes gravitationnelles, des ondes d'une autre nature qui sont transposées en son. Et qu'est-ce qu'on entend? Qui sont ramenées dans la gamme de l'audible. Ce sont des vibrations qu'on ramène dans la gamme. C'est ça. Donc il y a deux opérations. La première opération, c'est de transformer un signal qui est d'une nature électromagnétique ou onde gravitationnelle en son, premièrement. Et deuxièmement, de permettre de le transposer pour qu'il tombe dans la bande des fréquences audibles. Donc voilà, c'est les deux règles que l'on peut se donner, mais qui sont finalement les règles que l'on fait. Si vous faites des observations en ultraviolet, vous transformez ça en fausse couleur, c'est-à-dire que vous ramenez les couleurs ultraviolettes qui ne sont pas accessibles à votre œil dans la bande du visible. Donc ça, c'est quelque chose que les physiciens ont toujours fait. Alors quand vous écoutez ce son, il faut se dire, mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que vous entendez, vous, quand vous, voilà, ce son, qu'est-ce qui vous inspire? Mais c'est-à-dire que quand on a dans les, à l'esprit l'image de la coalition de deux trous noirs qui tournent autour, qui se rapprochent, qui sont attirés l'un par l'autre, etc., on voit quelque chose comme ça. Mais moi, ce que j'entends individuellement là, c'est quelque chose de beaucoup plus régulier que ce que je m'imagine ou ce que je visualise, en tout cas. Voilà, alors là, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est que d'abord, le signal est quasiment... Voilà, là on a une note qui est quasiment constante et la fréquence va augmenter, l'intensité du signal va aussi augmenter, puis ça va s'arrêter net. Alors qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'au début, on a les deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre de façon assez lente. Elles émettent des ondes gravitationnelles, donc il faut prendre de l'énergie quelque part, c'est à l'énergie gravitationnelle, donc elles vont se rapprocher. Si elles se rapprochent, elles vont accélérer, donc la fréquence va augmenter. Et le fait, plus elles tournent vite, plus elles produisent donc d'ondes gravitationnelles. Donc ça va s'emballer, donc on entend cette augmentation de fréquence qui est l'emballement du phénomène, et elles produisent de plus en plus d'énergie, donc l'intensité augmente. Et puis, il y a un moment, il y a fusion des deux trous noirs pour former un seul trou noir. Et là, toute l'information est rayonnée. Et à la fin, il ne reste plus qu'un trou noir. Donc, il n'y a plus de signal, plus rien du tout. Et donc, on a ce bip et il n'y a plus rien. Et on n'observe plus rien, on n'entend plus rien. Donc voilà, donc dans ce cas-là, ce que l'on entend est exactement ce que les équations décrivent. Et alors, autre, c'est la reconstitution d'un son. Ce n'est pas une observation. Écoutez ceci. Que ce son-là. C'est le soleil. Absolument. Voilà, alors c'est le soleil. Donc, pareil, le soleil n'émet pas de son. D'accord ? Donc le soleil, c'est quand même une boule principalement d'hélium et d'hydrogène. Et ce soleil, en fait, est animé de vibrations. Donc les vibrations du soleil, ce sont des ondes, et ce sont vraiment des ondes de pression, donc ce sont des ondes sonores. Et on peut les détecter en observant les vibrations de la surface du soleil. Donc ça, c'est quelque chose qui date de quelques décennies. On a détecté ces vibrations, donc ça a donné une nouvelle science qu'on appelle l'héliosismologie, donc l'étude de la sismologie solaire, et qui permet de comprendre énormément de choses sur la structure interne du soleil. Et donc on observe les modes de vibration de la surface, et à partir de ça, on peut reconstituer tous les modes de vibration du Soleil. Et donc, on peut se poser la question, si je prends toutes ces fréquences, j'ai un mode fondamental, des harmoniques, reconstruire le son qui correspondrait à cet ensemble de vibrations. Et donc, c'est exactement ce que l'on a entendu. Vous expliquez dans votre livre, Jean-Philippe Puzan, L'harmonie secrète de l'univers, que votre collègue Sylvie Vauclair et le compositeur Claude-Samuel Lévin se sont créés une sorte de clavier stellaire, c'est-à-dire en fait, ils ont utilisé des étoiles, les vibrations des étoiles pour former une gamme, et dans leur clavier stellaire, le soleil, vous expliquez, le soleil vibre en sol dièse. Oui, c'est ce qui est... Donc, Claude-Samuel Lévin qui est compositeur, et donc avec Sylvie Vauclair qui fait de l'astrophysique plus observationnelle, donc ils ont pris un ensemble d'étoiles, puisque ce que l'on fait pour le Soleil, on l'a maintenant sol dièse là. Ouais, c'est ça, voilà, c'est jamais exactement la note. Et donc ils ont pris un ensemble d'étoiles, ils ont trouvé 12 étoiles qui vont couvrir les 12 notes de la gamme, et à partir de ça, vous pouvez utiliser un synthétiseur et vous pouvez avoir un instrument qui joue des étoiles. Donc finalement, comme vous auriez fait un gros tambour, un ensemble de tambours ou un ensemble de cloches, vous avez à votre disposition un ensemble qui est un ensemble d'étoiles. Et donc ils ont composé pour ça, ils ont joué, alors ils mélangent ça avec des thérémines et des ondes Martenot et tout ça, donc ça donne vraiment des... Mais comment on passe de cette vibration sourde qu'on a entendue à cette note sur ce clavier qui est un sol dièse là, ou à la vibration d'alpha du Centaure qui, elle, se transforme en ré dièse mi? Alors en fait, vous avez toutes les fréquences de vibration et vous avez avec chacune leur amplitude. Et donc, vous allez recomposer le signal. D'un point de vue technique, c'est lié à un théorème que tous les étudiants de classe préparatoire connaissent, qui est la décomposition en série de Fourier. C'est-à-dire que si on a un signal périodique, on va pouvoir le décomposer en un ensemble de modes de fréquences bien définis. Et là, on fait l'opération inverse. Et en fait, tout synthétiseur, quand vous achetez un synthétiseur et que vous mettez sur le mode violon, vous entendez un violon, c'est que le la du violon n'est pas exactement le la du piano, parce que leur composition harmonique, donc les modes de plus haute fréquence, vont être différents. Et donc, le synthétiseur, en fait, connaît ces spectres-là et synthétise de façon numérique le son, et vous avez l'impression de reconnaître un violon. Et la qualité du synthétiseur, c'est le nombre de modes que vous allez rajouter pour vous rapprocher le plus proche de l'instrument véritable. Et donc là, c'est exactement ce qu'ils font. Pour le soleil, on doit être capable de mesurer 5000 ou 6000 modes, donc c'est énorme. Pour les étoiles qui sont beaucoup plus lointaines, c'est plus difficile. On a une dizaine, une vingtaine de modes au mieux. Mais on arrive à partir de cette recombinaison à avoir la note que cette étoile joue. là précisément, on pourrait entendre une note de synthétiseur. Voilà, exactement. Donc, pour le physicien, l'astrophysicien, ce qui est intéressant, c'est de qu'est-ce savoir... Qu'est-ce que c'est que ce son-là, pardon? Donc ça, c'est, donc, c'est cette étoile qui est une étoile strictement banale, puisque son nom, c'est juste un code qui est HR3831, donc un numéro dans un catalogue. Ce qui est important pour l'astrophysicien, c'est de se rendre compte que ces modes de vibration et donc la note qui va être associée à l'étoile va dépendre de la masse de l'étoile, de sa composition chimique. Là, c'est une étoile qui a un champ magnétique, je crois, du fait de la vitesse de rotation de l'étoile, ainsi de donc des paramètres physiques de l'étoile. Et donc, on va avoir à partir de ça une variété de sons qui représente la variété de modes de vibration de cette étoile. Et c'est exactement comme la sismologie solaire, finalement. Et donc, les modes vont se propager différemment à l'intérieur de l'étoile en fonction de la structure stellaire. Pour conclure cette émission où nous avons parlé donc de musique, de mathématiques et de cosmologie, on peut constater, et vous le constatez dans les derniers chapitres de votre livre, Jean-Philippe Puzan, que l'histoire de notre appropriation de l'espace est aussi une histoire qui est émaillée de musique. On a bien envoyé l'un des premiers messages que nous envoyons dans l'espace, et d'ailleurs on va parler dans très peu de temps de Voyager, puisque ça va être les 40 ans du départ de la première sonde. On a envoyé un disque avec de la musique. Vous mettez d'ailleurs la playlist entière de ce Golden Record qui est parti sur les deux sons de Voyager, hein, sur la 1 et sur la 2. C'est-à-dire qu'on réalise que la musique finalement est quelque chose qui transcende les cultures. Il n'y a pas de culture qui n'ait pas de musique. Les langages musicaux sont différents, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi nous aimons la musique, pourquoi la musique nous émeut. Et ça, alors bien sûr, les gens qui font de la neurophysique aujourd'hui essayent de résoudre des problèmes. Je cite cette théorie de Philippe Lacoulabar, que je trouve très très belle, très poétique. Je ne sais pas si elle est correcte ou pas, mais finalement je m'en fous, parce que pour moi c'est vraiment ce qu'elle symbolise, en expliquant que finalement les premières émotions que l'on a quand on est dans le ventre de sa mère, c'est les voix qui traversent le ventre de la maman, et donc on entend simplement les modes de plus grande fréquence, donc la prosodie de la langue, donc la musique de la langue, et que finalement parfois la musique va aller chercher cette mémoire que l'on a de cette époque avant d'être. Et je trouve que c'est une très très belle histoire, et on se rend compte que la musique finalement nous définit aussi en tant qu'humanité. Nous sommes capables de faire de la musique, on diffère d'ailleurs, on est comme s'il fallait fabriquer cette musique, comme s'il fallait transformer le bruit en un langage, et que c'est universel à l'humanité. Et beaucoup de gens se sont même posé la question de savoir est-ce que ça serait tellement universel que ça serait le langage universel même des extraterrestres. Donc je cite un de mes films préférés, qui est Rencontre du troisième type, avec cette scène fabuleuse où on communique avec cet orgue à couleurs. Et puis finalement on se dit qu'on a envoyé quelque chose dans l'espace, on a envoyé de la musique. Et là on peut commencer un film de science-fiction. On peut imaginer cet extraterrestre qui va récupérer le disque, qui va le mettre et qui va entendre le concerto brandebourgeois quel premier morceau du Golden Record. Et on peut se demander quelle émotion est-ce que cet extraterrestre va avoir. Et là, je trouve que c'est fabuleux, parce que les extraterrestres existent ou n'existent pas, j'en sais rien, personne n'en sait rien, mais ça nous fait avoir une réflexion sur nous en termes d'être humain, finalement, d'imaginer cet autre qui nous regarde et qui s'approprie ce qui est très important pour nous. On a une nouvelle façon de questionner la notion d'altérité, d'identité, et à une époque où finalement la planète devient un petit peu petite et où on oublie un peu tout ce qu'on a en commun. Donc je trouve que c'est une belle façon d'utiliser les extraterrestres pour nous questionner nous-mêmes. Puis on va terminer avec un autre des nombreux épigraphes donc qui débutent chacun de vos paragraphes, que j'aime beaucoup. C'est Glenn Gould qui disait « Bach ne module jamais au sens conventionnel et laisse l'extra ordinaire impression d'un univers en expansion infinie. » C'est donc bien Bach qu'il fallait mettre sur le Golden Record. C'est Bach pour vous, Jean-Philippe Puzan, qui vous donne à ressentir le mieux l'immensité de l'univers. Je ne sais pas si c'est le mieux. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y en ait un, parce que la musique est tellement diverse et que ça dépend aussi de votre humeur, de votre état d'esprit, de savoir ce qu'il faut écouter à un bon moment. On sait qu'il y a des moments où on a envie d'écouter du Bach, et il y a des moments où on a envie d'écouter Frank Zappa, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et comme c'est la fin de l'émission, moi je vais en citer une que j'aime bien. C'est la dernière. C'est Igor Stravinsky qui dit « Trop de morceaux de musique finissent trop longtemps après la fin ». Et ça, je pense que c'est vrai aussi des émissions de radio. Donc... et bien, on va essayer de rendre justement de terminer à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Philippe Puzan, Harmonie secrète de l'univers, ses auditions. La ville brûle, vous vouliez aussi nous dire un mot de Saturnium en une seconde. Oui, en une seconde, pour ceux qui sont à Paris et qui ont un peu de temps jusqu'au 12 septembre, allez au Palais de Tokyo, il y a une exposition, le rêve des formes, qui est tout un travail entre art et science. Par exemple, j'ai deux deux œuvres, une avec un compositeur Arnaud Petit et une avec mon ami Smith et le compositeur Antonin Trirong sur Saturnium, un élément chimique découvert par Marie Curie dont vous n'avez jamais entendu parler. J'ai retrouvé le carnet secret de Marie Curie, c'est assez intéressant. On vous met le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup Jean-Philippe Usan, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Aujourd'hui Nicolas Delmas à la technique, Jean-François Souvilly au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture dans un peu plus d'une heure. Après le journal de 18h dans le grain à moudre, Hervé Gardette et ses invités se demanderont s'il y a des statues à déboulonner en France. Et dans une poignée de minutes, deuxième épisode de la série documentaire sur le cinéma et le théâtre français à l'épreuve de la diversité par Stéphane Bonnefoy. Pour ce qui nous concerne, demain nous franchirons l'Atlantique pour parler avec le mogul international de l'intelligence artificielle, le français Yann Lequin, avec qui nous serons en duplex depuis New York. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.